want to worship Jehovah. I don't want to worship the children's hospital. Je désire adorer Jéhovah. Je ne désire pas adorer les hôpitaux contre le cancer. Because he says, parce qu'il dit, blessed are those who are invited into the wedding feast. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces. Meaning, he's saying, only entry to heaven is blessing. Signifiant, il dit, seule l'entrée aux cieux est bénédiction. Blessed is he who reads this word. Béni est celui qui lit ces paroles. Of prophecy and they that listen. De prophétie et ceux qui écoutent. Probably the Bible was cursed. There were no photocopiers. Probablement que la Bible était maudite. Il n'y avait pas de photocopies. Probably the copies were few. Probablement qu'il y avait peu de copies. Probably some people did not go to school. Probablement certaines personnes ne sont pas allées à l'école. So you have to read and translate in the local language. Donc vous devez la lire et la traduire dans le langage local. But he's saying, mais il dit, that he has grafted them into the blessings of God. It does not matter education. Ya kwamba amewaingiza katika baraka za Mungu, haijalishi masomo. We have been focusing on Revelation chapter 19 verse 8. Nous nous sommes concentrés sur Apocalypse chapitre 19 verset 8. Fine linen, du fin lin, bright and clean was given her to wear. Éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. And what that speaks to the church. Et qu'est-ce que ça dit à l'église? But now let us go to verse 9. Mais maintenant, allons au verset 9. Verse 9 it says, au verset 9, il dit, and the angel said to me, write. Et l'ange me dit, écrit. Blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Again he says, encore il dit, blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. Bénis soient ceux qui sont invités à la fête de mariage de l'agneau. Could it be that ever since I began today, se pourrait-il que depuis que j'ai commencé aujourd'hui, the biggest blessing of the Lord truly be held here. La plus grande bénédiction du Seigneur vraiment se tient ici. Because ever since I began, parce que depuis que j'ai commencé, I was sent to simply invite you. J'ai été envoyé pour simplement vous inviter into the wedding supper of the Lamb. Au repas de noces de l'agneau. But what amazes me, mais ce qui m'étonne, is that if you open up that scripture, est que si vous ouvrez ce texte, there is more, il y a plus. Because you hear him say, write. Parce que vous l'entendez dire, écris. Write it down. Écris-le. This one you must document. Record this one. This is important. Ceci, tu dois le documenter. Enregistre-le. C'est important. I know. Je sais. That when the Lord called me the first time he was speaking with me, he began to show me things. Que lorsque le Seigneur m'a appelé, la première fois qu'il a parlé avec moi, il a commencé à me montrer des choses. For example, the building of the temple. Par exemple, pour la construction du temple. 32 consecutive nights. Pendant 32 nuits consécutives. 32 consecutive nights before John the Baptist appeared. 32 nuits consécutives avant que Jean-Baptiste apparaisse. 32 consecutive nights. 32. 32 nuits consécutives. 32. In fact, to the extent that every night, en fait, jusqu'au point où chaque nuit, I knew where we ended, where we were going to start from. Je savais où nous avions fini, où nous allions commencer. On how the temple would be rebuilt. Sur comment le temple sera reconstruit. And I found out the following. Et j'ai découvert ce qui suit. He showed me. He could show me me. Il m'a montré. Il pouvait me montrer moi-même. In the dream, writing down the things he's telling me. Écrivant les choses qu'il me disait. In other words, the instruction was, write down this. En d'autres termes, l'instruction était, écris cela. This is important. C'est important. Document this. Please record this. Documente ça. S'il te plaît, enregistre cela. Don't forget this. N'oublie pas cela. Don't lose this one. Ne le perds pas. So, for John also. Donc, pour Jean aussi. For John also in Revelation, dans Jean aussi, dans Apocalypse, chapter 19, chapitre 19, verse 9, verset 9, when it came to this verse 9, then he told him, this one, please write this one. Quand c'est arrivé à ce verset 9, alors il lui a dit, celui-là, s'il te plaît, écris celui-là. This one, write. Celui-là, écris-le. After he get the whole fine linen, everything, the narrative. Après qu'il ait eu tout le fin lin, le récit. From verse 6 to verse 9. Du verset 6 au verset 9. When he finished the fine linen, the everything. Quand il a eu fini le fin lin, toute chose. When he came to verse 9, he said, quand il est venu au verset 9, il a dit. Now on this one, please write this one now. Maintenant, sur celui-là, s'il te plaît, écris celui-là maintenant. This one, never forget. Celui-là, ne l'oublie jamais. Please document this one. S'il te plaît, documente celui-là. This is of gravity. C'est important. This other generation must also read. Cette autre génération doit aussi lire. Write. Écris. He used to command me to write. Il m'ordonnait d'écrire. And I found out that the more I wrote, the more he came back and revealed. Et j'ai découvert que plus j'écrivais, plus il revenait et révélait. Hallelujah. Alléluia. When it comes to verse 9. Quand ça arrive au verset 9. He says, write this one down. Il dit, écris celui-ci. This one you must write. Celui-ci, tu dois l'écrire. And when he starts to write, he says. Et quand d'abord il écrit, il dit. Il dit, blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Meaning, ce qui veut dire, go and tell them, va et dis-leur, that from today on, que dès aujourd'hui, the true definition of the blessing of God must change. La véritable définition des bénédictions de Dieu doit changer. Must change. Doit changer. Because now he said, parce que maintenant, il a dit, the blessed ones, ceux qui sont bénis, the blessings of God, les bénédictions de Dieu, the blessed ones, ceux qui sont bénis, are the ones who enter, sont ceux qui entrent and sit at that dinner table in heaven, et s'assied à cette table de repas aux cieux. So now that will change a lot of things here. Donc maintenant, cela changera beaucoup de choses ici. Because your notion of blessings in the church, parce que votre notion de bénédiction dans l'église, has been about the things of the world, a été à propos des choses du monde. So this is important, write this one. Et alors, ceci est important. Écris celui-ci. Blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Turn with me, precious people. Tournez avec moi, précieuses personnes. Revelation, chapter 1, verse 3, first of all. Apocalypse, chapitre 1, verset 3, d'abord. And then 14. Et ensuite, 14. This is deep now. C'est profond maintenant. Alléluia. Alléluia. Now this is deep. Maintenant, c'est profond. Revelation 1, 3, this is what he says. Apocalypse 1, 3, c'est ce qu'il dit. He said, blessed is the one. Il dit, béni soit celui. Who reads the words of this prophecy? Qui lit les paroles de cette prophétie? And blessed are those who hear it. Et bénis soient ceux qui entendent cela. And take to heart what is written in it. Et gardent dans leur cœur ce qui est écrit là. Because the time is near. Parce que le temps est proche. He said. Il a dit. Blessed are those. Bénis soient ceux. Who are invited into the wedding feast of the Lamb. Qui sont invités à la fête de mariage de l'agneau. And then, et ensuite, when I go to another place, quand je vais à un autre endroit, in the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, I now find, maintenant je trouve, yet another place where the Lord blessed the church from. Encore une autre place où le Seigneur bénit l'Église. Where he blessed the church again. Où il bénit l'église à nouveau. Said, parce qu'il a dit, blessed are those who are invited and sit at that dinner table. Bénis soient ceux qui sont invités et qui sont assis à cette table de repas. Inside heaven. À l'intérieur des cieux. Why are they blessed? Pourquoi sont-ils bénis? They are blessed because ils sont bénis parce que they defeat death. Ils ont vaincu la mort. Because That wedding supper happens inside heaven. It takes place in heaven. Parce que ce repas de noces a lieu à l'intérieur des cieux. Il prend place aux cieux. So, the mere entry into heaven is a blessing, by the way. Donc, la simple entrée aux cieux est une bénédiction, en fait. The mere entry. La simple entrée. The fact that you did not enter anywhere else. Le fait que vous ne soyez pas entré nulle part ailleurs. And you simply entered here. Et vous êtes simplement entré ici. That alone is said is a blessing. Now you understand why he said blessed they are. Ceci seul, a-t-il dit, est une bénédiction. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a dit béni là. Because others will enter somewhere else. Parce que d'autres entreront à un autre endroit. Because that wedding feast of the Lamb takes place in heaven. Parce que cette fête de mariage de l'agneau a lieu aux cieux. But, mais, he's saying also this, il dit aussi cela. That when they enter, that is the testimony that they are the redeemed church. Que lorsqu'ils entrent, c'est le témoignage qu'ils sont l'église rachetée. Which means they have defeated sin. Ce qui signifie qu'ils ont vaincu le péché. If you defeat sin, then you have defeated death. Si vous avez vaincu le péché, alors vous avez vaincu la mort. They have also defeated death. Ils ont aussi vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. And then I go to another place where the Lord blessed the church. Et ensuite, je vais à une autre place où le Seigneur bénit l'Église. Et dit, béni celui, celui, une personne qui lit ce livre de prophétie. And blessed are they that listen, hear it. Et béni soient ceux qui écoutent. Entendent cela. And keep it hard because time is short. Et le gardent parce que le temps est court. And when you read that book of prophecy, et quand vous lisez ce livre de prophétie, it says, ça dit that fine linen, que du fin lin bright and clean, éclatant et pur was given her to wear. Lui a été donné pour se vêtir. So in those two blesses, donc, dans ces deux qui sont bénis, those two places, ces deux places, he has blessed the church. Il a béni l'Église. Now I begin to understand something. Maintenant, je commence à comprendre quelque chose. That blessing of God is about entry into the kingdom of God. Cette bénédiction de Dieu concerne l'entrée dans le royaume de Dieu. Can we read a third blessing? Pouvons-nous lire une troisième bénédiction? The third blessing bless the church. La troisième bénédiction bénit l'Église. The book of Revelation 16:15. Le livre de l'Apocalypse 16:15. 16:15. Today you must change the way you think about blessings. 16:15. Aujourd'hui, vous devez changer votre manière de penser sur les bénédictions. It must change. Ça doit changer. Revelation 16:15. Apocalypse 16:15. Are we ready? Sommes-nous prêts? He said, "Behold, I come like a thief." Il a dit, voici, je viens comme un voleur. Blessed is he who stays awake. Béni soit celui qui reste éveillé and keeps his garment with himself, et garde son vêtement sur lui that he may not go naked, pour qu'il n'aille pas nu and be shamefully exposed, et soit honteusement exposé. A third place where the Lord blessed the church from. Une troisième place où le Seigneur bénit l'Église. And he's saying, et il dit, keeps the garment, stays awake, garde son vêtement, reste éveillé for entry, pour l'entrée. Again another place where he says, encore une autre place où il dit, the blessedness of God is about entry. La bénédiction de Dieu est à propos de l'entrée. We must change today. Nous devons changer aujourd'hui. Yes. Oui. We will now ask God to bless us and we'll understand the true meaning of blessings. Nous voulons maintenant demander à Dieu de nous bénir et nous comprendrons la réelle signification de bénédiction. I know some other people have come here. Je sais que d'autres personnes sont venues ici and told you that blessings is something else. Et vous ont dit que bénédiction c'est quelque chose d'autre. The beautiful city, the beautiful what? Les belles villes et les belles quoi? Blessings with beautiful homes and whatever beautiful city. Des bénédictions par de beaux foyers et quoi que ce soit dans de belles villes. Sometimes I want to live in Kenya. Quelquefois, je désire vivre au Kenya where the roads are so bad, où les routes sont si mauvaises that before you leave for a journey, qu'avant de quitter pour un voyage, You really have to kneel down and pray to Jehovah. Vous devez vraiment vous agenouiller et prier Jéhovah. I want to be in a place where the roads are so bad that I depend on Jehovah. Je désire être à un endroit où les routes sont si mauvaises que je dépends de Jéhovah. Than to have this beautiful, this is Europe to me, this is Europe. Que devant cette belle, c'est l'Europe pour moi. C'est l'Europe. In Europe, when I go there, I always tell them. En Europe, quand je vais là-bas, je leur dis toujours. That a few years ago, Africans were worshiping the moon. Que quelques années auparavant, les Africains adoraient la lune. The sun, the elephant, the snakes. Le soleil, les éléphants, les serpents. Until the European came and said, stop it, stop it. Jusqu'à ce que les Européens viennent et disent, arrêtez ça, arrêtez ça. Jesus has already gone to the cross. Jésus a déjà été sur la croix. And they began to build St. Mary's High School, whatever, hospital, whatever. They began to bring the gospel to you. Et ils ont commencé à construire les hautes écoles Sainte-Marie, quoi que ce soit, les hôpitaux. Quoi que ce soit, ils ont commencé à vous amener l'évangile. That nowadays, pour que nos jours de maintenant, it is Europe that has turned around, c'est l'Europe qui se tient là autour and is now worshiping the moon, et qui maintenant adore la lune, the elephant, les éléphants, the sun, le soleil, and those moon, elephant, sun has come in the form of good roads. Et ces lunes, éléphants et soleil sont venus sous la forme de bonnes routes, good cancer hospitals, bons hôpitaux contre le cancer, good economy, bonne économie, good homes, good what? Bonne maison, bonne quoi? But I see it here also. Mais je vois ça ici aussi. So me, I want to be in Kenya. Pour moi, je désire être au Kenya. Where? I'm not sure whether I will reach. I want to kneel down first and pray. Où je ne suis pas sûr si j'arriverai. Je désire m'agenouiller et prier. The roads are so bad. Les routes sont si mauvaises. I'd rather be in such a place where I will depend on God. Je préfère être à une telle place où je dépendrai de Dieu. Than to be here. Que d'être ici. And worship big roads like this. Et adorer de grandes routes comme ça. This kind of worship is too much worship. Cette sorte d'adoration, c'est trop d'adoration. Cancer hospitals, top doctors. Des hôpitaux pour le cancer, des docteurs au top. In Kenya, they say, au Kenya, ils disent, they have taken him to South Africa for treatment. Ils l'ont emmené en Afrique du Sud pour un traitement. I want to worship Jehovah. I don't want to worship the cancer hospital. Je désire adorer Jéhovah. Je ne désire pas adorer les hôpitaux contre le cancer. Because he's saying, parce qu'il dit, the blessed are those who are invited into the wedding feast. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces. Meaning, he's saying, only entry to heaven is blessing. Signifiant, il dit, seule l'entrée dans les cieux est bénédiction. And then he says, et ensuite il dit, blessed is he who reads this word. Bénis celui qui lit cette parole. Of prophecy and they that listen. De prophétie, et ceux qui écoutent. Probably the Bible was cursed. There were no photocopiers. Probablement que la Bible était maudite. Il n'y avait pas de photocopies. Probably the copies were few. Probablement qu'il y avait peu de copies. Probably some people did not go to school. Probablement que certaines personnes ne sont pas allées à l'école. So you have to read and translate in the local language. Alors vous devez lire et traduire dans le langage local. But he's saying, mais il dit qu'il les a greffés dans les bénédictions de Dieu. L'éducation n'a pas d'importance. Listen. Écoutez, didn't you ever think, n'avez-vous jamais pensé that there would be a tragedy if he said, que ça aurait été une tragédie s'il avait dit, blessed were they who were, hein? Bénis ont été ceux qui ont été, hein? Blessed are they who were, who, hein? Where are they? Where are they? Bénis sont ceux qui ont été, qui ont été. And he says, ah. Et il dit, sont. Meaning, even you can enter now. Ce qui veut dire, même vous, vous pouvez entrer maintenant. The window is still open like this. La fenêtre est encore ouverte comme ça. He did not say, blessed were they who were invited. Il n'a pas dit, bénis ont été ceux qui ont été invités. Non. Non. Blessed are those who are, even now receive the Lord and enter. Bénis soient ceux qui sont, même qui reçoivent le Seigneur et entrent. So he's saying, donc il dit the following. He's saying also, ce qui suit. Il dit aussi on the third place there, à la troisième place là. He's saying, blessed. Il dit béni. Blessed. Let's read it again. Béni Lisons-le à nouveau. 16:15, il dit: Blessed is he who stays awake. Béni celui qui reste éveillé. Keeps his garment for what? For entry. Garde son vêtement. Pourquoi? Pour entrer. Entry, to enter. L'entrée, pour entrer. He said, that is the blessings of God. Il dit, ça c'est la bénédiction de Dieu. South Africa has to understand this today. Vous devez comprendre ça aujourd'hui. And stop pursuing money in the church. Et arrêtez de poursuivre l'argent dans l'église. Yeah. Stop pursuing the things of the world in the church. Arrêtez de poursuivre les choses du monde dans l'église. Because he's now saying, parce qu'il dit maintenant, that God is talking to us about his blessings for the church. Que Dieu nous parle de ses bénédictions pour l'église. That is beautiful because you could be a poor person, very poor. C'est très beau parce que vous pourriez être une pauvre personne, très pauvre. You don't have the things of the world. Qui n'a pas les choses du monde. But still do what? Mais qui fait encore quoi? Entre. And be counted blessed. Et être compté parmi les bénis. That is powerful. C'est puissant. Because some of your churches, parce que certaines de vos églises, the poor widow that put a penny in the Bible, la pauvre veuve qui a mis un centime dans la Bible, and Jesus stood up and said, oh. Et Jésus s'est levé et a dit, wow. She gave most. Elle a donné plus. That woman has no place in this church. Cette femme n'a pas de place dans cette église. That woman has no place in South Africa. Cette femme n'a pas de place chez vous. And the pastors, when they get a big check, so he starts to preach the gospel towards that woman. Et les pasteurs, quand elles ont un gros chèque, alors ils commencent à prêcher l'évangile devant cette femme. He's preaching. You cannot touch that woman now. Sa prédication, vous ne pouvez pas toucher cette femme maintenant. Whether she is not well dressed. Soit qu'elle soit pas bien habillée. You cannot touch because they say, Pastor, we will stand with you. Vous ne pouvez pas la toucher parce que vous dites, pasteur, nous voulons nous tenir avec vous. We have decided to stand with you. Nous avons décidé de nous tenir avec vous. In fact, my sister in New York also says you should visit them a bit. I'll give you a ticket, whatever. En fait, ma sœur de New York dit que vous devriez les visiter un peu. Je vais vous donner un billet. Quoi que ce soit. So there is that whole situation. Donc, c'est toute cette situation. Where now? Où maintenant, they are numb to sin. Why? Ils sont endormis dans le péché. Pourquoi? Because of their misconstrued conception of the blessings of God. À cause de leur conception mal interprétée des bénédictions de Dieu. He says, when you enter the church and rebuke that woman for nudity. Il dit, quand vous entrez à l'église, et que vous réprimandiez cette femme pour sa nudité, he says, you have just blessed her. Il dit, vous l'avez juste bénie. You have blessed her. Vous l'avez bénie. Because then you are helping her to enter. Parce que vous l'aidez à entrer into the blessings of God. Dans les bénédictions de Dieu. Can I look at the fourth one? Because there are seven places he blessed the church in Revelation. Puis-je voir le quatrième? Parce qu'il y a sept endroits où il bénit l'église dans Apocalypse. Oh yes, the fourth one is Revelation chapter 20, verse 6. Oh oui, le quatrième est Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Revelation 26, precious people. Apocalypse 26, précieuses personnes. And he says, et il dit, blessed and holy are those who are part in the first resurrection. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. The second death has no power over them. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. But they will be priests of God and with Christ and will reign with him for 1,000 years. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1,000 ans. Again, encore, he's talking about the blessedness of the church. Il parle de la bénédiction de l'église based on entry. Basé sur l'entrée. Et we must redefine blessings now. Nous devons redéfinir les bénédictions maintenant. Then you will pursue the true blessings of God. Alors, vous percevrez les véritables bénédictions de Dieu. I have come to change the order in the church. Je suis venu pour changer l'ordre dans l'église. Yes, I know that you are used to receiving people with private jets. Je sais que vous avez l'habitude de recevoir les gens dans des jets privés. And they tell you big things. Et les grandes choses de la télé. You have to pay for the fuel. Money down also is there. Vous devez payer pour l'essence. Les paiements d'avance sont aussi là. There's money down before they come. Il faut donner de l'argent à l'avance avant qu'il vienne. And the few that will eat dinner with him. Et le peu qui prendront un dîner avec lui. They say, no, no, no, he's very busy. Ils disent, non, non, non, il est très occupé. He needs some serious, 10 serious people. Il a besoin de personnes sérieuses, 10 personnes sérieuses. People that can give something painful. Des gens qui peuvent donner le gros lot. But I'm telling you, mais je vous dirai, that you can be poor like that widow in the Bible, que vous pouvez être pauvre comme cette veuve dans la Bible, and still the beholder of the blessings of Jehovah Yahweh. Et être encore les détenants des bénédictions de Jéhovah Yahvé. That's why I've come. C'est pourquoi je suis venu. I've come to change the gospel in the church. Je suis venu changer l'évangile dans l'église. Can we read another one? There are 7. Pouvons-nous en lire un autre? Il y en a 7. He says, Revelation 22, verse 7. Il dit, Apocalypse 22, verset 7. He says, il dit, behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of this prophecy in this book. Voici, je viens bientôt. Béni soit celui qui garde les paroles de cette prophétie dans ce livre. Again. À nouveau. About entry. Sur l'entrée. The last one, verse 14. Le dernier, verset 14. Verse 14, it says, verset 14, il dit, blessed are those who wash their robes. Bénis soient ceux qui lavent leurs robes. That they may have a right to the tree of life. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. And may go through the gates into the new Jerusalem, the city. Et qu'ils puissent entrer par les portes dans la nouvelle Jérusalem, la ville. So today, donc, aujourd'hui, the Lord has actually besmirched the gospel prosperity in South Africa. Le Seigneur a vraiment terni l'évangile de la prospérité. He has just destroyed it here today. Il l'a juste détruit ici, aujourd'hui. Because now you understand. Parce que maintenant, vous comprenez that the blessings of God que les bénédictions de Dieu are tagged into entry. Sont ciblées sur l'entrée. And to prove to you that, can we read Matthew 16:26? Et pour vous prouver cela, pouvons-nous lire Matthieu 26? To prove to you that. Pour vous prouver cela. Alléluia. Alléluia. What good will it be for a man if he gains the whole world? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? And yet forfeits his soul. S'il perd son âme. He gains the whole world and forsakes his soul. Il gagne le monde entier et abandonne son âme. That is the nail, on the coffin of the gospel of prosperity. C'est le clou, pas sur le cercueil de l'évangile de la prospérité. Pastors, change the gospel in the church. Pasteur, changez l'évangile dans l'église. Begin to preach the old rugged cross. Commencez à prêcher la vieille croix rugueuse. Begin to preach the blood and the power of the blood. Commencez à prêcher le sang et le pouvoir du sang. I want to worship Jehovah. I don't want to worship the King's hospital. Je veux adorer Jéhovah. Je ne désire pas adorer les hôpitaux contre le cancer. Because he says. Parce qu'il dit. Blessed are those who are invited into the wedding feast. Bénis soient ceux qui sont invités à la fête de mariage. Meaning, he's saying, only entry to heaven is blessing. Signifiant, il dit. Seule l'entrée dans les cieux est bénédiction. And then he says, et ensuite il dit, blessed is he who reads this word. Béni soit celui qui lit ces paroles. Of prophecy and they that listen. De prophétie et ceux qui écoutent. Probably the Bible was cursed. There were no photocopiers. Probablement la Bible était maudite. Il n'y avait pas de photocopie. Probably the copies were few. Probablement qu'il y avait peu de copies. Probably some people did not go to school. Probablement certaines personnes n'étaient pas allées à l'école. So you had to read and translate in the local language. Alors, vous deviez lire et traduire dans le langage local. But he has grafted them into the blessings of God. It has not matter education. Mais il les a greffés dans les bénédictions de Dieu. L'éducation n'a pas d'importance.